Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous et vous n'avez pas le droit de prendre un avocat. Tabitha. Beaucoup d'étoiles sont faites là au poublier, mais moi, Flingue, je suis le corrigé. Le batteur imbattable de l'orchestre Tabitha. BGM, BGM, à chaque fois. À Paris, Kiki Touré, au Nelson. Aïe, et c'est pour Coloco, et c'est pour Coloco, mon boki. Mandolo, apura. peut-être pas de pied. Djembe la nyabo sangipe, son tanelambale, tabita.